un moment donné, mes jouissances vont être limitées par une personne qui va jouir lui aussi d'être impoli. Parce que ça ne fonctionnera plus. Ou encore, je veux être impoli, je perds mon emploi. Yeah, je suis impoli. Le patron s'en fout, lui. Lui, diplomate, il n'est pas poli. T'es impoli, t'es serveur, j'ai pas besoin de personne impolie, va-t'en. Le patron est diplomate. Alors, ça fait qu'à un moment donné, il faut réellement discerner entre l'impolitesse et la politesse. Ces deux choses-là, ces deux cossins-là, sont deux stupidités de l'évolution. Ce sont des carcans sociaux, des carcans psychologiques qui empêchent l'être humain, qui empêchent l'homme de pouvoir exprimer son énergie. Lorsqu'on exprime son énergie dans un canal construit par une population, par un ensemble, par une collectivité, ce n'est pas son énergie que l'on exprime, mais son énergie colorée par l'extérieur. Les personnes qui se conscientisent ou qui veulent évoluer essaient continuellement d'arriver à être mentales, c'est-à-dire d'avoir une possibilité de réflexion qui ne sera pas colorée par l'astral. Oui, mais si l'expression que l'on a de ce mental non coloré est colorée par le faisceau qui permet l'expression dans la société, ça ne vaut même pas la peine d'essayer de discerner le mental de l'astral. Vous avez une réflexion intelligente, elle est colorée par votre émotion, vous allez essayer, pendant un laps de temps, de discerner l'émotion de la chose intelligente. Je pense à une araignée, et lorsque je pense à l'araignée, dans mon mental, je vois l'araignée. Mais en même temps que je vois l'araignée, c'est-à-dire en même temps que j'ai puisé dans ma mémoire la mémoire de l'araignée, j'ai aussi, sans m'en rendre compte, puisé la mémoire émotive liée à la mémoire de l'araignée. Alors, lorsque j'ai vu une araignée pour la première fois, j'ai été piqué par l'araignée. Donc, j'ai mémorisé l'araignée et la douleur et la peur psychologique avec l'araignée. Et lorsque je pense à une araignée, je fouille, je ressors la mémoire de l'araignée, en même temps, je ressors le nuage émotif relié à la mémoire de l'araignée. Ce qui fait que je ne peux jamais penser à une araignée sans avoir un frisson. Ça, c'est le mental coloré par l'émotivité, par l'astral. Je veux penser à une araignée, je pense à l'araignée, j'ai peur de l'araignée. Êtes-vous capable de penser à l'araignée sans avoir peur de l'araignée, sans aimer l'araignée, sans trouver belle l'araignée? Juste l'image de l'araignée exempte de toute autre forme de pensée. Si cela est, c'est une pensée mentale non colorée par l'émotivité. Mais si vous avez une décision à prendre, vous allez fouiller dans votre expérience pour pouvoir juger, pour pouvoir analyser l'effet extérieur et votre expérience, et de là, vous allez prendre une décision. Mais encore une fois, si les faits expérimentés sont ramenés au mental en même temps que toute l'émotion reliée à ces faits, à cette expérience, vous ne pourrez pas prendre de décision claire. Ce sera donc une décision prise par le mental, mais colorée par l'émotion. Donc, ce sera une décision émotive. Vous avez une araignée chez vous et vous allez écraser l'araignée. Décision émotive, parce que si c'est une décision mentale, il n'y a aucune raison de tuer l'araignée. Vous allez la tuer si vous en avez peur, si vous trouvez que c'est yark, si vous trouvez qu'etc. C'est-à-dire que vous allez voir l'araignée, vous allez vous dire, tiens, une araignée, hein, bon. Pourquoi? Parce que la vision de l'araignée fouille dans votre mémoire pour pouvoir trouver un nom. C'est une araignée. Toutes les connaissances mentales de l'araignée vont surgir à votre conscience en même temps que toutes les expériences émotives dues à l'araignée. Donc, vous allez voir l'araignée et dire, ah, une araignée! Plusieurs vont faire ça, hein? Et vous allez vouloir vous débarrasser de l'araignée. Vous allez prendre une décision qui est émotive et elle n'est pas mentale. C'est la même chose pour le choix d'une personne. Est-ce que je me marie ou je me marie pas? Certains qui sont très romantiques vont remettre cette décision-là dans une rose, dans une marguerite. Je l'aime, je l'aime pas. Mais quelle que soit la décision de la marguerite, si on décidait qu'on la marie, on la marie quand même. La personne, je peux vivre certaines choses avec. Je le sais mentalement, mais étant donné que ma décision, elle est teintée par toute l'émotivité qui vient colorer l'expérience mentale que j'ai, je ne peux pas prendre une décision mentale. Je prends une décision colorée qui est émotive. Lorsque La personne, lorsque l'homme arrive à être diplomate, il est capable d'analyser une expérience qu'il a vécue, un fait extérieur, à partir de ce qu'ils sont, délié de l'émotivité qui a été reliée à eux autres lorsqu'on l'a mémorisé. Donc, je rencontre ma mère, mon fils, mon frère, mon patron, n'importe qui, ou un exemple encore plus courant, je sors du métro et je rencontre une personne qui veut me vendre un paquet de religions et qui me regarde dans les deux yeux. Et la politesse fait que je dis, ben, je ne suis pas intéressé, ou encore, je suis déjà dedans, ou j'ai déjà lu, ou j'ai déjà donné. Bref, fous-moi la paix. Mais on essaie de le dire de façon polie. Et si je suis diplomate, je vais m'arranger pour être sûr qu'il ne me sautera pas dessus, mais pour être sûr que je n'aurai pas lui sauter dessus non plus. Alors, je vais agir d'une façon mentale et je n'aurai pas d'émotivité qui va vouloir s'exprimer en même temps que ma réflexion mentale. Discerner l'astral du mental, discerner l'intelligent de l'émotif, c'est être capable de discerner dans mon expérience la mémoire d'une chose vécue, de la mémoire de l'émotion qui s'est liée à la chose vécue. Lorsque je repense à mon accident d'automobile, j'ai peur de prendre mon char. Donc, je fouille dans ma mémoire, je retrouve l'expérience de l'accident et en même temps que je ramène cette expérience dans ma conscience, je ramène aussi toute l'émotion de l'accident dans ma conscience. Donc, je colore l'intelligence par l'émotion. Pouvoir discerner entre les deux, c'est d'être capable d'avoir un mental suffisamment correct pour être capable de fouiller dans l'expérience. L'expérience est très bonne. Pour aller chercher l'expérience, mais non colorée de l'émotion. Alors, je ramène l'accident et je revois l'accident. Je peux analyser ce que j'ai fait et je peux en parler à mon assureur ou je peux moi-même améliorer ma façon de conduire. Mais je n'ai pas peur pour autant de reprendre mon auto. Lorsque je fais une chute de cheval, je peux remonter à cheval. Lorsque je risque, j'ai pas assez proche de me noyer, je suis capable de retourner nager. Sauf si, à chaque fois que je vois de l'eau, je ramène l'expérience de la noyade avec l'expérience émotive de la noyade collée. Je ne peux plus aller nager. Pour aller renager, je vais devoir y aller immédiatement après avoir failli me noyer pour essayer d'incruster dans ma mémoire l'expérience après la faillite de noyade avec une expérience de réussite. J'ai pu renager, je ne me suis pas noyé. Donc, lorsque je vais revoir de l'eau, les deux expériences vont revenir, les deux schémas émotifs vont revenir et je vais savoir que j'ai failli me noyer, que j'ai eu peur, mais que j'étais capable d'y retourner après. Mais ça, c'est une stupidité. Il n'y a pas de discernement. Lorsque je peux discerner entre l'émotivité liée à une action et l'action expérimentée, je suis capable de l'amener. Je suis mental. Et lorsque je suis mental, je suis capable de regarder l'extérieur et à partir de mon expérience et l'extérieur, je suis capable d'exprimer quelque chose de mental. Mais si l'expression de cette énergie mentale est limitée par un carcan extérieur qui régit l'expression, ça vaut même pas la peine d'évoluer, ça vaut même pas la peine de discerner le mental de l'astral, ça vaut même pas la peine de rien faire. Si je te dis que le Dieu que tu pries est un Dieu satanique, parce que celui à qui tu t'adresses, oh, tu crois t'adresser à X, Y, Z, mais la manière que tu travailles fait que les égrégores que tu t'attires sont des égrégores néfastes, qui sont dangereux, qui sont possessifs. Mais tu viens, tu fais partie de cette religion, tu l'adores, tu pries tout ça. Mais la politesse va faire que d'ici 15 ans, j'aurai jamais réussi à te faire comprendre mon point de vue. Alors, ou je t'en parle pas, ou je t'en parle. Mais si je t'en parle, c'est pour obtenir un résultat. Le résultat, ce n'est pas que tu te transformes. Le résultat, c'est que je communique ce que j'ai à communiquer. Et si cette communication mentale est régie par un plan psychologique, comme la politesse, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, bien, ça vaut même pas la peine d'être intelligent. Ça vaut même pas la peine de rechercher quoi que ce soit, parce que je ne peux rien exprimer. Si je dois toujours exprimer des choses directes en disant « Un tel a déjà dit, ceux qui mangent de la marde puent de la bouche », Ben, évidemment, tout le monde, ça va. Mais si je vous le dis carrément, ah là, ça va plus, il est impoli, il est cochon, il est n'importe quoi. Mais si je vous dis que c'est Churchill qui a dit ça, ou que c'est n'importe quoi, ça dérange pas trop. C'est la politesse. Mais à force de dire des choses dans le genre, on finit aussi par ne plus écouter l'orateur. L'orateur n'a pas dit ça, c'est un tel qui a dit ça. Et tant que c'est les autres qui le disent, ben on n'a pas besoin de se transformer. On peut pas améliorer notre sort avec ce que les autres ont dit. Lui, il en a pris conscience, s'est transformé, mais lui, c'est lui. Puis passer sa vie à répéter ce que les autres ont dit ou ce que les autres ont fait, c'est très poli. Daniel, quand on parle de politesse puis d'impolitesse, si on prend deux personnes qu'on les met face à face, c'est automatiquement une des deux personnes qui a une programmation moins forte que l'autre. Donc, est-ce qu'il y a un temps, elle a un temps relatif à maintenir cette relation-là, après quoi être obligée de donner un choc qui va briser une partie de la programmation de l'autre pour se respecter dans son énergie, finalement? Pour te respecter dans ton énergie psychologique, tu as le choix d'être poli ou d'être impoli. Alors, tu rencontres un élève et tu lui dis, « T'as un problème, veux-tu que je t'aide? » L'élève répond au professeur, « Oh, fous-moi donc en paix, tout ce que je veux, c'est être en paix. » L'élève rentre chez lui, ses parents veulent l'aider, s'enferme dans sa chambre, tout ce qu'il demande, c'est d'être en paix. Alors, il est impoli et la politesse ne peut pas aborder le problème. Mais si tu es diplomate, tu sauras toujours juger combien de temps tu dois être poli, quand tu dois être poli, quand tu dois être direct, et ce n'est pas de l'impolitesse que d'être direct. Quand tu dois manipuler, et ce n'est pas de l'impolitesse que de manipuler un autre. La politesse ne fait que manipuler les autres. Mais si tu es diplomate, tu ne seras plus manipulé par l'extérieur, humain. Je ne parle pas évidemment de l'extérieur psychologique ou de tout ton paquet de schéma encore, disons que c'est compliqué, c'est autre chose. Mais pour améliorer son sort, on peut tout changer si on est capable. Sinon, on change quelques petites choses en allant vers des choses plus grandes. Alors, une chose grande, mais facilement accessible, c'est le fait d'arriver à comprendre que l'on doit être diplomate et non plus poli. Alors, si tu rencontres qui que ce soit et tu as une relation, c'est évident qu'à un moment donné, si tu veux être dans ton énergie, tu devras donner le rythme. Tu dois accélérer une réunion, accélère-la. Tu dois couper court à une discussion ou à une relation parce qu'elle te nuit, coupe-y court. Mais être diplomate, c'est quoi? Un exemple de diplomatie. Vous avez sans doute déjà vu dans des centres d'achat une personne qui vendait, des maisons. Une personne qui était représentant pour vendre des sauteuses ou n'importe quel genre de choses, ou encore qui vendait de l'assurance dans un centre d'achat. Ou un libraire qui vend des livres dans un centre d'achat. Mais qui a loué un kiosque, qui n'est pas dans un magasin, qui est dans le mail du centre d'achat. Qu'est-ce qu'il va faire pour être diplomate? Il va lire un livre, il va écrire quelque chose sur un papier. Si c'est H&R Block ou n'importe quel genre d'organisation qui fabrique ou encore qui va faire les rapports d'impôts, ben ils vont être occupés à faire quelque chose. Alors, ils ne sont pas polis, ils sont vendeurs. C'est-à-dire qu'ils sont diplomates. Et c'est intelligent d'être vendeur lorsque tu vends, hein? Et c'est intelligent d'être un bon acheteur lorsque tu achètes. Mais si tu es poli, tu achèteras des choses que tu ne veux pas. Et si tu es poli lorsque tu vends, tu risques de pas vendre grand-chose. Alors, tu es diplomate. Tu t'arranges pour qu'il n'y ait pas de frustration chez personne, de heurts. Une personne rentre dans ton magasin, tu as le choix de sauter dessus pour lui vendre n'importe quoi. Certains bons vendeurs vont le faire, mais ils ne seront pas polis. Ils vont même aller jusqu'à te dire, « Ah oui, mais tu devrais va acheter tel genre de rasoir. Ah oui, mais j'ai déjà... Non, mais moi, je suis un père pour toi. Écoute bien. Mm-hmm. » Il est diplomate, puis poli. Mais toi qui es poli, tu pourras pas dire, « Ben, je n'ai déjà un père. Ben là, fais-moi un cadeau. » Tu es poli, toi, et tu te laisses embarquer, puis vient un moment donné que tu ne sais plus comment poliment sortir de ce fichu magasin. Alors, tu sortiras poliment en lui achetant n'importe quel cossin ou en lui faisant un paquet de promesses d'achat. Mais ces promesses-là ne sont pas des diplomaties. Et lorsqu'une personne dit quelque chose par la parole, elle s'attache à un karma. Alors, ce qui fait que la politesse n'est de mise nulle part. Par contre, tu es diplomate et tu te sors de n'importe quelle situation d'une façon qui va paraître polie, mais qui n'est régie par aucune loi de politesse. Le vendeur a vendu un paquet d'affaires et lui, il n'est jamais poli. Parce que si tu es poli, tu vends seulement à ceux qui ont besoin. Mais si tu es vendeur, tu vends à tous ceux qui ont, à tous ceux qui se présentent devant toi, quitte à créer le besoin. Toi, tu vends des casseroles, tu vends des chaudrons. Alors, tu profites de l'occasion, tu vas vendre soit aux femmes qui cuisinent, ou encore, si tu es réellement diplomate, bon vendeur, tu vas te présenter lorsque le mari est là. Et le mari ne voudra pas des chaudrons nécessairement, mais avant que le mari dise quoi que ce soit, tu commences par montrer tes choses. S'il te demande, oui, mais comment ça coûte tout ça? En toi, tu lui réponds, comment ça coûte? C'est simple. Si moi je te dis simplement, veux-tu acheter mon auto? Et toi, tu irais à la recherche d'un auto. Tu vas dire, oui, je veux acheter ton auto. Et si moi je te demande combien tu me donnes pour mon char, tu vas dire, je peux-tu voir ton char avant de te donner un prix? Mais c'est la même chose, tu veux acheter les chaudrons, tu n'es pas convaincu que tu en veux, puis tu me demandes combien ça coûte. Laisse-moi au moins te montrer le produit, puis après ça, on parlera du prix. Alors le gars diplomate, qu'est-ce que tu veux dire contre ça, c'était poli? OK, montre-moi tes chaudrons, mais tu te dis après je vais l'avoir vu, mais dire non, pareil. Il te montre tous tes chaudrons, la femme regarde tout ça, il t'explique tout. Puis après ça, il dit, monsieur, sérieusement, pensez-vous que votre femme mérite pas un assortiment comme ça? Mais là, si le mari dit non, fais une maudite belle chicane de famille après. Ma femme mérite pas ça. Il s'est fait avoir par un gars diplomate. Est-ce que votre femme mérite un assortiment de casseroles comme ça pour cuisiner? La femme est là. Là, elle se balance royalement des chaudrons, elle check son mari en maudit. Et si le mari dit oui, elle mérite, mais j'en veux pas, ça revient au même que de dire non, elle mérite pas. Mais ça, c'est d'être diplomate. Et le gars, il est vendeur. Mais si toi, t'es diplomate, tu vas être capable de pas tomber dans ce chaudron, de bien t'organiser, peut-être même pour y vendre tes vieilles bottines que tu voulais vendre au marché aux puces. Mais si toi, t'es diplomate, oui, parce que la situation que je l'expose là, on dirait qu'on peut pas s'en sortir. Mais si je leur ai demandé, je donne des chaudrons, rentrez n'importe où, puis organisez-vous pour les vendre, vous auriez dit c'est impossible non plus. Je vous ai élaboré une tactique diplomate et, c'est extraordinaire. Maintenant, sortez-vous-en. C'est impossible non plus. C'est toujours impossible si on est poli. C'est possible si on est impoli, mais on risque d'avoir une chicane de famille après. Parce que la diplomatie s'arrange pour que la politesse n'ait pas de jeu. Et c'est normal. Vous voulez faire quelque chose, pensez-y comme il faut. Puis si vous pensez que ça a réellement de l'allure pour vous autres, démerdez-vous pour le faire. Mais laissez-vous pas régir par les carcans d'expression de l'extérieur. Là, ce serait ridicule. La politesse, c'est quoi? C'est de passer pour un bon parent face à ses voisins. Pas face à ses enfants, face à ses voisins. Alors, si votre enfant arrive les cheveux teintés de bleu, vous allez devoir le chicaner, parce que qu'est-ce que les voisins vont penser? Mais l'éducation, éduquons les voisins, faisons-nous éduquer par les voisins, mais c'est fini là. Vous prenez votre bain avec votre garçon ou avec votre fille. Et votre fille, elle a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans, mais j'ai toujours pris votre bain avec. Mais faut pas que les voisins sachent ça. Tant qu'il est aux couches, ça va. Mais à un moment donné, il ne faut plus que ça se sache. Alors, on va poliment donner un paquet de raisons, imbéciles aux voisins, un paquet de cossins, mais on n'arrivera jamais à être diplomate. Alors, l'important, c'est que la personne qui veut se conscientiser, elle arrive à un moment donné à être capable d'être efficace dans sa tête. Mais elle ne peut pas l'être dans l'expression parce qu'elle ne sait pas comment exprimer, parce qu'elle sent son expression régie par le cadre extérieur. La politesse est l'une des plus grandes formes de don à autrui des mécanismes qui régissent notre sort. Ne donnez plus à l'extérieur les ficelles qui manipulent votre bonheur. C'est stupide. Vous le concevez tous que c'est stupide. Mais les mécanismes pour donner ça aux voisins, c'est la politesse, entre autres. Mais la politesse, tout à l'heure, on vous disait, que c'était bonjour, comment ça va, ou bienvenue, soyez les bienvenus, soyez-vous ici, elle aime pas la chaise, en partant, ça va plus. Tu as dit bienvenue, puis elle aime pas la chaise, faut que tu cours et donner une autre chaise. Bon. C'est diplomate parce que tu vends, tu es dans un hôtel ou etc. C'est diplomate, fais-le. Client a toujours raison quand on est diplomate. Mais à un moment donné, si tu invites quelqu'un, tu veux être poli parce que c'est diplomate d'être poli et que la personne, elle est impolie, alors c'est diplomate de ne plus être poli. Cela ne veut pas dire d'être impoli. Cela veut dire d'agir, de vivre, vu qu'elle est impolie, dans un cadre où la politesse et l'impolitesse ne peuvent pas survivre. Exactement comme mon vendeur. Tu peux pas me mettre poliment ou impoliment dehors sans qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que, est-ce que ta femme mérite des chaudrons comme ça? Alors, je vis maintenant, j'ai amené mon interlocuteur dans un cadre où impoli ou poli, ça amène plus rien. Moi, je veux quelque chose. Lorsque je veux m'exprimer, si je suis assujetti au cadre d'expression de l'extérieur, je ne peux pas m'exprimer. Et si, dans ma tête, j'ai une connaissance mentale non colorée par l'émotivité, mais je ne peux l'exprimer autrement qu'en le colorant par l'émotivité, ben ça vaut pas la peine de discerner grand-chose. La diplomatie, et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que la majorité des hommes qui vont à un moment donné comprendre la faille de la politesse vont mélanger l'impolitesse avec la diplomatie. Est-ce que tu veux me parler? Non. Ben, si ton interlocuteur peut prendre le nom comme ça, il n'y a aucun problème. Si l'interlocuteur va vraiment, là, il va te donner des coups de masse sur la tête, il va engager une discussion, et ça, c'est un gros problème. Est-ce que tu veux qu'on parle ensemble? Non. Pourquoi? Bon. Non! Pourquoi? Il n'y a rien à faire. Il veut parler, lui. Alors, ma forme de réponse n'est pas diplomate. Elle est polie ou impolie, mais elle n'est pas diplomatique. Ça me tente pas de parler. Mais pourquoi ça te tente pas de parler? Prends un marteau, passe-le. T'essaies de lui expliquer que tu veux pas parler, que ça te tente pas de parler, puis lui continue. Pourquoi ça te tente pas? Parce que j'ai pas le goût. Mais pourquoi t'as pas le goût? Je t'ai-tu fait quelque chose de mal? Je veux pas parler. Ah oui, mais dis-moi pourquoi? Bon. La politesse, elle va amener des choses comme ça. Comment ça va virer? Ça va virer en chicane. Ça peut pas faire autrement. Le couple là, se chicane souvent parce qu'il est poli. Et lorsqu'il est poli, si l'un des deux est impoli et que l'autre est poli, ça crée une chicane. Si les deux sont diplomates, il n'y aura pas de chicane. Parce que les deux ne veulent pas se chicaner, ils sauront donc agencer leur relation de façon à ce qu'il n'y ait pas de chicane. Veux-tu me parler? Non. Pas de problème, mais si tu veux me parler, viens me voir, je suis là. C'est pas de la politesse, c'est de l'intelligence. De temps en temps, je vais aller voir si mon conjoint a un problème. De temps en temps, je vais aller voir s'il veut pas me parler. De bien des manières, pas de diplomate. Vous savez que quand une femme court après un homme, elle n'est pas polie, un diplomate en maudit. Une fois qu'elle l'a, elle pense qu'elle va pouvoir le garder avec la politesse. Ça, c'est pas de diplomate pantoute. Et c'est la même chose pour l'homme. L'homme court après la femme et diplomate en tabarouette. Elle veut tel genre de fleurs, on lui donne des fleurs. Une fois qu'il l'a, la femme, là, franchement, hein, qu'est-ce qu'on tente de ce qu'elle a? Qu'elle soit polie. Mais plus diplomatie. La relation entre deux individus ne doit jamais, jamais être régie par la politesse. Elle devra toujours être régie par la diplomatie. Et si c'est diplomate que d'être poli, soyons polis. Mais lorsque c'est diplomate et d'être direct, soyons directs. Il n'y a pas de politesse à l'intérieur de ces phénomènes. Le parent va rencontrer les professeurs parce que les professeurs veulent mettre leur enfant, leur fils, à la porte de l'école. Alors, on rencontre les professeurs, alors il faut être poli. Même si on ne sait pas tout ce qui se passe dans l'école, au moins j'ai été poli. Ils pensent au moins que j'étais bon parent, puis c'est pas de ma faute si l'enfant n'est pas correct. C'est important, ça. L'enfant, je donne une volée rendu à la maison. Mais du moment que les professeurs pensent que je suis un bon parent, t'es parfait. Même si j'ai rien compris, même si je sais rien. Ils m'ont expliqué le bulletin. Ah, je suis bien, bien poli. Ah oui, j'ai rien compris. Mais je peux pas leur demander de répéter trois fois. Ça se fait pas. Bon. Fait que je préfère rester un cave poli que d'être un diplomate impoli. Mais si je suis diplomate, ils vont comprendre. Oui, c'est bien, bien clair, mais je comprends rien. Bon. Fait que voulez-vous, vous allez me l'expliquer comme je peux le comprendre et non pas comme vous pensez que je vais le comprendre. C'est pas poli, ça. Mais c'est diplomate. Puis à un moment donné, ils vont arriver à comprendre le bulletin. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui comprennent les bulletins de leurs enfants. Il n'y en a pas énormément. Hein? On signe. On regarde des petits chiffres. Mais on ne comprend pas tout le bulletin de nos enfants. Et puis par après, ben on ne comprend pas non plus pourquoi ils se font mettre dehors. Subitement, comme ça. Quand ça fait 3 ans qu'ils sont dans le dernier rang centile de leur classe. On rencontre les professeurs, et puis à un moment donné, ben j'en ai 15 à rencontrer. Bon, ben il y a un break à un moment donné, là, midi. Je peux-tu toutes les rencontrer en même temps? Ce serait bien mieux. C'est pas poli. Fie-toi que les professeurs sont polis. S'ils sont polis, tu vas tout pouvoir les rencontrer. S'ils sont diplomates, peut-être plus dur. Parce que les autres avec vont vouloir mener le jeu, et c'est normal. Et entre deux diplomates qui se rencontrent, hein, vous avez jamais vu... Kessinger se battent avec un diplomate russe. Ils se sont rencontrés, ils n'ont jamais été d'accord, mais jamais ils se sont gueulés des mots, jamais ils se sont tirés des patates, puis jamais ils se sont montés un sur l'autre. Ils n'ont jamais été d'accord, mais il n'y a jamais eu de guerre. Parce qu'ils étaient diplomates. Totalement contre l'un de l'autre par rapport à leurs idées, mais diplomates. Et quand on envoyait Henri Kessinger n'importe où sur terre où ça n'allait pas, on envoyait un diplomate. Habituellement, il réglait à peu près tout ce qui avait à être réglé. Le monde qui était là ne savait pas ce qui se passait. Mais quand Kessinger partait, c'était réglé. Eux autres étaient polis, lui était diplomate, c'est parfait. Ça marche bien à ce temps-là. On a pu se laisser continuellement manipuler. Mais je répète bien, et je n'ai pas extrêmement de temps pour le dire, et c'est important, la diplomatie, ce n'est pas de l'impolitesse. Moi, je rentre dans ma classe, dans la classe d'école, « Ouais, là, je vois toutes les profs en même temps, sinon, moi, je m'en vais. » Va-t'en. Je suis impoli, puis ça ne va rien changer. La diplomatie, ce n'est pas de l'impolitesse, ce n'est pas de la politesse. C'est d'arriver au résultat que l'on veut arriver. Ça, c'est important. Alors, qui c'est ici qui est impoli, qui arrive au résultat qu'il veut aller chercher? C'est pas de la diplomatie. Puis ceux qui sont polis, de temps en temps, ils y arrivent parce qu'ils sont diplomates. Et en étant diplomates, ils savent qu'il faut qu'ils soient polis, ils sont polis. Puis il y en a une montée de grands paquets qui sont polis tout le temps puis qui arrivent à rien de ce qu'ils veulent. Surtout dans les restaurants, surtout dans les stations-service comme on parlait autrefois, surtout dans les écoles, surtout avec à peu près tous ceux qui vont côtoyer. Ils sont polis puis ils n'arrivent jamais à rien. Jamais. Tu ne peux jamais expliquer rien. La personne t'envoie un compte, tu ne peux pas le payer. N'envoie un deuxième, tu ne peux pas le payer. N'envoie un troisième, tu peux, ben là, c'est que t'es gêné de téléphoner. Là, elle dit que si tu ne téléphones pas, elle envoie l'huissier venir chez vous, là, tu sais, là. Oh, mais tu n'arrives pas à la téléphoner, tu ne sais pas comment poliment lui expliquer que tu ne peux pas encore réussir à la payer. Fait que vu qu'on est poli et qu'on est assujetti à la politesse et à l'impolitesse, on est continuellement brimé dans l'expression de nos idées, aussi mentales soient-elles. Être diplomate, cela veut dire mener la danse. Cela veut dire être conscient que nous sommes capables de mener ce que l'on veut à bien. Alors, la personne, j'ai un numéro de téléphone, je dois appeler, sinon c'est les petites créances. Je prends le téléphone, j'appelle pour m'arranger, pour que moi je puisse payer selon ce que je peux et non pas selon ce qu'elle veut. Alors, je pitonne mon téléphone ou je signale, et puis je lui parle. Puis je commence pas avec un paquet de fla-fla. Je m'arrange pour la mettre tout de suite dans mon jeu, pour lui vendre ce que je veux lui vendre. Le fait que ce qu'elle m'a vendu, je peux pas le payer. Ça, je l'appelle. Et puis quand j'ai fini, il faut que ce soit réglé. Ça, c'est de la diplomatie. Et si je pense à être poli, ben je sais même plus comment me présenter. Si vous présentez devant le pape, ou devant le premier ministre du Canada qui vient souper chez vous. Vous allez tout être à l'envers parce que vous ne saurez pas comment vous présenter, comment l'accueillir. C'est-à-dire que vous ne saurez pas dans quel cadre de politesse agir. C'est ça. Vous restez dans le monde de la politesse. Mais si vous êtes diplomate, il y a un de vos fils là, qui veut être prêtre, là. Le pape s'en vient chez vous. Pas faire. Un diplomate. Il n'y a aucune raison, vous voulez connaître réellement c'est quoi être pape, comment fonctionne le Vatican, et toutes ces choses-là qui sont des choses qui ont quand même des structures extraordinaires. et vous avez la visite du souverain pontife, ben vous allez l'accueillir d'une façon diplomate, puis lui va être à l'aise, c'est un diplomate, là, avec. Et tout va bien aller. Ici, on est régi par la politesse, on ne sait plus pantoute comment fonctionner. Continuellement, l'homme ne devrait pas être assujetti à la politesse parce que là, il prend tout son bonheur puis il met des mains de l'extérieur. Bonjour, comment ça va? Je te parle pas. Bang! Tu donnes du tip, il ramasse, met dans la caisse, il te dit pas merci. Pas ni encore. Tu donnes un cadeau, on ne te dit pas merci. Il est bien pas poli. Mais c'est ça. Tu donnes un cadeau dans l'espoir qu'ils te remettent de quoi? Parce que t'es assujetti à la politesse. T'es diplomate, tu donnes un cadeau pour avoir de quoi plus tard, parfait. Si merci, pas merci, on s'en balance. C'est le résultat qu'on recherche. C'est bien important à voir. En fait, le... OK. En tout cas, vous aurez la chance de poser des questions. Posez-en, parce que moi... fait qu'on va passer tout de suite à la deuxième... As-tu une autre question? Non. Non, moi, c'est fini. On OK. A pas le temps de fait qu'on va passer à la deuxième partie. OK.